L'argent me va bien, j'suis money maker, j'suis dans le four, j'fais du make-up, j'prends des couleurs, sans crème solaire. Ta meuf me sourit, je vois toutes ses molaires. La l'air, j'lui donne même pas l'heure. J'regarde ma Audemars, le temps passe, c'est pas clair pendant toute la night. J'raquette ton salaire, je sais que tu bluffes, c'est pas une partie de poker. On fuit la misère, ouais. Car la vie est trop guiri, on l'embellit dans le visa, ouais. Après le midi, j'arrête. On fuit la misère, ouais. Car la vie est trop guiri, on l'embellit dans le visa, ouais. Après le midi, j'arrête. Pareil que l'argent en beau. Avec le giri giri, ouais. Pendant que tu danses, le Glock te fait des giri giri, ouais. Wheeling wheeling dans la street, le petit fait des wheeling. J'fais du soin avec le cœur, m'en bats les couilles de ton feeling. Ah, j'ai les crocs, comme à l'époque de la chambre. J'suis pas le voyou pour rien, j'veux pas d'une balle dans la jambe. J'fais tous les bras et les bâtons, tu vas me mettre dans la jambe. La machine, t'as oublié ou quoi? La compte de ta tonne. Toujours dans ma paranoïa, c'est l'ovni, j'fais pas le mia. Tout en or dans la mire, j'loue des villas, j'trouve que j'mérite cette villa. C'est du vrai ce que j'dis là, j'ai pas encore vrillé. J'danse, j'suis dans les tendances. Le maison jusqu'à en trance, sauf que j'suis en France. Guiri Mafia, Parc Félix Piat. Anti-traite, anti-BDH, anti-Biac. Avec mes tarés, c'est carré dans l'axe. Bois ma santé, c'est mon année. Elles savent toutes qu'on a brassé en masse. Oh les mains, t'es dans un hold up. Oh les mains. Oh les mains, t'es dans un hold up. Gardez oh les mains. J'prends mon mille et j'taille ma route. J'prends mon mille et j'taille ma route. Histoire de guerre, de peine, de cœur. Moi j'prends mon mille et j'taille la route. Je taille la route. J'veux pas d'amour. Je taille la route, moi. Avec le giri giri, ouais, giri giri giri giri.